boys and girls, this is Rip and Roach. Salut à tous et on se retrouve pour une nouvelle heure de Pop and Rock. Allez, on commence avec ça. Baby, here as I am, pull me close, time. Understand, desire is hunger, is the fire I breathe. Love is a banquet on which we feed. Come on now, try and understand the way I feel when I'm in your hand. Take my hand as the sun descends. They cannot. Alone, love is a ring, that telephone. Love is an angel disguised as lust, here in my bed until the morning comes. Spéciale fille dans Pop and Rock ce soir, de la fille et de la fille, parce que le rock, c'est également au féminin que ça se passe dans Pop and Rock. Allez, après Patti Smith, on va vite partir avec Warpaint. I'll après un début tranquille avec les américaines de Warpaint à l'instant, avec les deux morceaux qu'on a écoutés, le premier s'appelait Billie Holiday et l'autre s'appelait Undertow, on va partir maintenant, on va revenir en France avec du rock qui bouge un petit peu plus, un morceau qu'on connaît déjà, qu'on a écouté plusieurs fois dans Pop and Rock, c'est donc Je veux pas rester sage, le groupe Dolly. Je ne veux pas rester sage. sur RVR pour l'émission Pop and Rock, qui est ce soir spécial rock féminin. Après les deux groupes français qu'on vient d'écouter, c'était Dolly tout à l'heure, et puis à l'instant, on a écouté Pravda pour le morceau The ABC of Love. On repart aux États-Unis avec maintenant un rock estampillé Pop and Rock, le groupe The Kills, avec deux morceaux. Le premier, vous le connaissez, je vous dis pas le titre, allez chercher. Avec un instant le groupe estampillé Pop and Rock The Kills avec deux morceaux, le premier Drink to Death et à l'instant Echo Home. On va maintenant prendre notre machine à remonter le temps pour foncer dans les années 70-80 avec un morceau de Marianne Faithfull. Le morceau s'appelle The Ballad of Lucy Jordan. It's not this quiet. tied down your receiver, sprint across the wire, follow my number, slide into my hand. It's the blaze across my nightgown, it's the phone's ring. I think last night you were driving circles around me. I think last night you were driving circles around me. I think last night you were driving circles around me. I can't drink this coffee till I put you in my closet. Let him shoot me down, let him call me off. I take it from his whisper, you're not that tough. It's the blaze across my nightgown, it's the phone's ring. Last night you were driving circles around me. You were in last night, you were driving circles around me. You were in last night, you were driving circles around me. You were in last night. Driving circles around me. You were I think last time you were driving circles around me. Eh ben oui, même ça c'est du rock, hein, et c'est du rock fait par des filles. Tout à l'heure c'était Marianne Faithfull, puis à l'instant une pépite que j'ai trouvée comme ça en promenant sur le net, Christine Hirsch, je ne connaissais pas. Par contre ce morceau, vous allez l'écouter en boucle, j'en suis sûr et certain. Allez, l'émission maintenant est en son plein milieu, donc on va essayer de se relancer, parce qu'après avoir écouté deux belles promenades, on va repartir sur du vrai rock de filles, avec deux morceaux du groupe The Hole. I am doll parts, bed skin, doll heart. It's dance for night, for the rest of my life. Yeah, they really want you, they really want you, they really do. Yeah, they really want you, they really want you, but I do too. I want to be the girl with the most cake. He only loves those things because he loves to see them break. Pop and Rock, c'est sur RVR. Now the pale morning sings of forgotten things. She plays the tune for those who wish to overlook the fact that they've been deceived by those who preach and pray and teach. But she falls short and the night explodes in laughter. But don't you come here and say I didn't warn you about the way your world can alter. And oh, how you try to command it all still. Every single time it all shifts one way or the other. And I'm a goddamn coward, but then again, so are you. And the lions roar, the lions roar, as me evading and hollering for you. And I never really knew what to do. Thank you. deserted lakes, and I'd sing. And every once in a while, I'd sing a song. You back to me. And the lions roar, the lions roar, is something that I have heard before. A children's tale, the lonesome wail of a lion's roar. Notre soirée spéciale rock féminin se termine pour ce soir. Après l'énergie de Hall, on vient d'écouter la douceur de First Aid Kit. Et pour se quitter, on va avoir deux derniers morceaux. Le premier qu'on va écouter à l'instant, ça sera Sinead O'Connor avec le morceau Just Like You Said Would Be. Et on enchaînera et on terminera notre soirée par un morceau que je pensais pas forcément passer non plus dans Pop and Rock, un morceau de Agnès Obel, qui a plus l'habitude des salles philharmoniques que des ondes des radios rock. Agnès Obel avec le dernier morceau que j'adore d'elle, Familiar. Allez, je vous dis rendez-vous la semaine prochaine, mais à même endroit. Bis à tous. Stop! Excuse me.